Dionysos était une femme. Le premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin explore le sujet de la responsabilité sociétale des entreprises. L'écosystème de la filière vitivinicole se pose encore des questions quant à s'embarquer dans cette démarche. Alors je vous emmène à la rencontre d'acteurs du changement en lien avec la RSE. J'aborde en toute transparence avec mes invités les origines du changement, les actions concrètes, l'innovation et les résultats mesurables de la démarche RSE qu'ils appliquent. Quelles motivations ont guidé la transition des entreprises vers des pratiques plus durables, philanthropiques, réglementaires? Sur quels piliers repose leur politique RSE? Des initiatives concrètes aux technologies innovantes, en passant par des résultats tangibles, découvrons ensemble les leviers de performance pour une viticulture plus responsable et durable. Je m'appelle Aurélie Charon-Giguet, fondatrice du podcast « Si Dionysos était une femme » et de la société de conseil Bleu Charon. Sa raison d'être ? Simplifier la transformation vers un business plus propre, plus juste. Belle écoute. Advini est une société cotée depuis 1994. Et à ce titre, on a des obligations de reporting RSE, donc de reporting extra-financier, puisqu'on doit chaque année publier une déclaration de performance extra-financière. D'accord. Et c'est un exercice qu'on a décidé de ne pas prendre comme une contrainte administrative subie, mais comme une opportunité d'avoir un document audité par des tiers, parce que ça, c'est une obligation, sur lequel on peut rendre compte de tout ce qu'on a mis en place. D'accord, donc vous en servez comme levier stratégique plutôt ? Alors, disons que l'exercice d'identification des risques et la réalisation d'une matrice de matérialité, l'identification de nos parties prenantes, a été impulsé par justement cette obligation réglementaire de déclaration de performance extra-financière. Mmh. Et justement, ça nous permet maintenant, puisque ça fait donc, sous le format actuel, on est tenu à ce reporting depuis 2018. Donc ça a été un peu l'occasion de relancer une réflexion, de réactualiser une réflexion, de faire un pas de côté sur ce qui était déjà mis en place et d'être sûr qu'on ne soit pas passé à côté d'un gros chantier ou qu'on n'ait pas de gros trous dans la raquette. Donc c'est ce qu'on appelle la CSRD ? Alors c'est l'ancêtre de la CSRD. Okay. La CSRD, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive. C'est donc le texte qui est l'évolution de cette déclaration de performance extra-financière qui va entrer en vigueur, donc avec un timing un peu différent en fonction des tailles des entreprises. Pour Advini, ce sera à partir du 1er janvier 2026. D'accord. Donc sur le reporting de 2025, on sera tenu de suivre ce nouveau modèle, ce nouveau format. Ce qui est intéressant dans cette CSRD, en termes de révolution culturelle, c'est que historiquement, ce qu'on devait faire, c'est qu'on devait analyser nos risques, on devait mettre en place des politiques pour pallier ces risques et on devait avoir des indicateurs de suivi de ces politiques. Mais chaque entreprise faisait sa propre analyse et avait les indicateurs qu'elle voulait. Et les auditeurs venaient contrôler que ce qu'on écrive dans nos rapports soit conforme à la réalité. Je prends un exemple qui est un peu caricatural, mais globalement, si on se dit « Ok, on est dans la filière vin, avec une grosse implantation sur le pourtour méditerranéen, on a un enjeu autour de l'eau. » Très bien. Cet enjeu autour de l'eau, je pourrais dire, ben voilà, on a mis en place une politique de diminution de consommation d'eau, et donc notre action forte, c'est d'installer des mousseurs dans les lavabos des toilettes. Mmh. On s'aperçoit que, clairement, la réponse n'est pas à la hauteur des enjeux. Et si donc je suis le pourcentage de mes toilettes qui sont équipées de mousseurs, donc j'ai un objectif 2030 à 100% de robinets équipés, j'ai des auditeurs qui viennent, qui vont me demander mes factures de mousseurs, qui vont venir voir que les mousseurs sont bien en place, et ils vont dire, ben voilà. Vos 100% de mousseurs, félicitations, sont en place. Même si le gros de nos consommations se fait dans l'irrigation des vignobles et sur l'hygiène de nos lignes de conditionnement, bien sûr. Là, ce qui se passe avec la CSRD, c'est que, OK, on ne va plus laisser les entreprises reporter sur ce qu'elles veulent. On va identifier une certaine liste d'items sur lesquels il est important de faire du reporting. C'est ce qu'on appelle les ESRS, donc c'est des standards de reporting environnementaux. Donc, il y en a un qui va concerner le climat, un qui va concerner l'eau, un qui va concerner la biodiversité. Donc on a 6 sujets sur les enjeux environnementaux, 3 sur les enjeux de gouvernance, 5 sur les enjeux sociaux. Et sur chacun de ces items-là, on devra tous reporter de la même façon sur l'ensemble du périmètre. C'est-à-dire que j'aurai là, par exemple, pour reprendre mon exemple, une donnée consolidée eau qu'il faudra que je reporte, et ce sera toutes mes consommations d'eau, quels que soient mes usages, sur tous mes sites. D'accord. Donc ça, c'est pour quel que soit le secteur d'activité des entreprises. Tout à fait. Ça, ce sera le socle commun. Donc on devra tous reporter là-dessus. Et l'idée à terme, c'est qu'on est en train d'installer des normes qui vont se rapprocher des normes comptables. C'est-à-dire qu'on va devoir tous apprendre à reporter de la même façon, de façon à être comparable. Et ça, donc, ça va rester européen ou français d'abord ? Alors, européen ensuite ? Européen. Alors, pour le moment, ces règles-là s'appliquent, sont conçues et s'appliquent au niveau européen. Donc ça concerne toutes les entreprises européennes et toutes les filiales de groupes internationaux implantés en Europe. Je crois que c'est de plus de 10 000 collaborateurs, plutôt des grosses quand même. Ce qu'a essayé de faire l'Europe pour éviter justement des distorsions de concurrence, puisque là on demande quand même beaucoup de transparence aux entreprises, qu'il va peut-être y avoir des enjeux de rupture de secret des affaires, de distorsion de concurrence, parce que toutes les entreprises européennes vont devenir des livres ouverts pour l'ensemble de leurs concurrents à l'échelle internationale. Donc l'Europe a essayé de faire en sorte que ces standards s'appliquent partout dans le monde. D'accord, parce qu'en fait, pardon, je te coupe, mais ça veut dire que ça va être ouvert au grand public. C'est pas quelque chose qui est uniquement destiné à des auditeurs. La déclaration de performance extra-financière, donc celle qu'on a à date, oui. Et demain le rapport de durabilité, donc issu de la CSRD, sont des documents qu'on a obligation de rendre publics. Actuellement, ils sont téléchargeables sur tous les sites des grosses entreprises, donc dans leur version d'avant. Et demain, il y aura une obligation de publication de ces rapports à tout le monde. Donc n'importe qui, particulier, peut demander à aller consulter le rapport de durabilité. Normalement, il est tenu d'être téléchargeable en ligne et même sur les 5 précédentes éditions. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir retrouver aussi les 5 rapports de durabilité des 5 années écoulées. D'accord. L'Europe est partie d'un postulat dans la réalisation de ce rapport de durabilité, ce qu'on appelle la double matérialité. La double matérialité, c'est intéressant parce que c'est considérer l'impact qu'un élément peut avoir sur l'entreprise, mais aussi l'impact que l'entreprise peut avoir sur cet élément. Je reprends mon exemple de l'eau. Dans les déclarations de performance extra-financière telles qu'elles existent aujourd'hui, en gros, je dois faire une analyse de risque. Et donc, je dis, OK, la disponibilité de la ressource en eau, c'est un sujet pour mon business. C'est-à-dire que si j'ai plus d'eau demain, je ne peux plus laver mes lignes de conditionnement, donc je ne peux plus mettre de vin dans une bouteille, je ne peux plus irriguer mes vignes, j'ai plus d'eau pour faire mes préparations de produits phytosanitaires, enfin voilà. Donc je ne peux plus travailler globalement. Donc c'est l'ensemble de ma production, l'ensemble de mon activité qui est à risque. Ce que dit cette nouvelle réglementation, c'est qu'il faut aussi concevoir l'effet inverse. Quel est l'impact de mon entreprise sur l'eau ? Ah oui, alors ok. Je travaille en effet avec des produits phyto ou avec des eaux de lavage de cuves qui sont chargées en matière organique. Donc ça, potentiellement, c'est des polluants. Comment je gère ces polluants-là pour pas dégrader la qualité de ma ressource en eau ? Ça peut être aussi, de l'eau, j'en prélève, j'en consomme. Donc j'ai un impact aussi sur la disponibilité de la ressource, sur la quantité d'eau qu'il y a par exemple dans une rivière. Okay. Quel est le risque si je prélève trop d'eau ? Est-ce que je peux mettre à sec la rivière ? Et donc d'anticiper ce sujet-là dans les deux sens. Donc ça, c'est la grosse nouveauté dans cette CSRD. Ce qui semble se dessiner à l'échelle internationale, c'est que cette double matérialité, c'est aller trop loin. C'est que les entreprises à l'échelle internationale ne sont pas encore prêtes à se remettre en question, elles, dans leur modèle d'affaires, sur l'impact qu'elles peuvent avoir sur ces différents éléments. Donc on partirait sur une approche plutôt en matérialité simple. C'est-à-dire juste considérer déjà les risques qui pèsent sur l'entreprise en lien avec tous ces enjeux extra-financiers. C'est dommage. L'Europe a tenu bon et la double matérialité est restée ancrée dans les textes. Mais a priori, ce n'est pas ces standards-là qui vont s'internationaliser. C'est plutôt des standards qui sont en train d'être travaillés par d'autres organisations qui sont plutôt basées aux États-Unis. Sous l'impulsion d'un Français d'ailleurs, puisque c'est Emmanuel Faber qui a la manœuvre derrière ces nouveaux standards ISSB. Qui est Emmanuel Faber ? L'ancien PDG de Danone. D'accord. Qui a été assez engagé sur les sujets des raisons d'être, des sociétés à mission et sur le fait de placer le temps long à un niveau de priorité un peu plus important dans la gestion et le pilotage des entreprises. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a une fibre assez engagée sur ce sujet-là et qui est en train plutôt de promouvoir l'approche de matérialité simple. Le gros avantage que j'y vois, c'est quand même que du coup, l'Europe, en étant allée très très loin, joue un peu le rôle de l'épouvantail. Et donc, on voit des pays qui ne sont pas toujours enclins à s'imposer des normes environnementales ou sociales, qui disent, bon, ben, finalement, la solution intermédiaire en matérialité simple, elle n'est pas si mal, on va se saisir de celle-là. Donc, même si on a encore des règles qui sont en train de se mettre en place un peu à deux vitesses, le fait que voilà, nous, on soit dans une dynamique à aller un petit peu loin devant et à demander beaucoup plus de reporting aux entreprises, je pense que c'est positif. Et en plus de ça, je trouve que c'est un exercice qui est extrêmement salutaire pour les entreprises, parce que faire ce pas de côté, se questionner sur le temps long, se questionner sur l'impact qu'on a sur des ressources qui sont primordiales pour notre activité, je pense que c'est vraiment une solution pour pérenniser nos modèles d'affaires. Les témoignages d'acteurs du changement à travers notre podcast constituent le moyen le plus efficace pour sensibiliser et engager de nouvelles entreprises dans la démarche RSE. Devenez partenaire ou sponsor dès aujourd'hui. Faites-vous connaître par la page LinkedIn et Instagram de « Si Dionysos était une femme » ou bien par email à l'adresse podcast@bleucharron.com. Merci. La définition extra-financier, déjà le mot extra-financier, c'est difficile à comprendre. Ouais, bah en fait, c'est marrant parce que c'est un jargon qui vient du monde de la finance, justement. Mmh. Et les financiers, ils ont une drôle de façon assez binaire de voir le monde. Il y a ce qui relève de la finance, donc les choses qui sont sérieuses et quantifiables. Amis financiers, si vous nous écoutez. Ce qui relève de la finance. Non, moi-même, j'ai une très bonne collègue DAF avec qui je m'entends très bien et avec qui je bosse très bien. Non, mais il y a d'un côté ce qui est financier, donc ce qui est standardisé, quantifiable, traçable et objectif, et tout le reste. Et ce tout le reste, en fait, notre métier, il vient de là. Quand on est vigneron, on produit de la valeur à partir d'un terroir, donc d'un écosystème, à partir d'un savoir-faire, à partir des gestes des générations qui nous ont précédés. Et notre modèle d'affaires repose entièrement là-dessus, sur ces choses-là qui sont dites non quantifiables et donc extra-financières. L'idée de tout ce qui est en train de se mettre en place, c'est que ces données-là font la richesse d'une entreprise. Et dans notre secteur, c'est vraiment palpable assez directement. Et que tout ça, si on ne le compte pas dans le logiciel de l'économie telle qu'elle est construite actuellement, ça n'existe pas. Donc toutes ces réglementations-là visent à réussir à mettre des cadres qui nous permettent d'objectiver un petit peu tout ça. Ça peut être potentiellement un peu lourd, mais c'est central pour qu'on s'aperçoive du niveau de stratégie que représentent ces écosystèmes, ces savoir-faire, cet ancrage dans le business. Un autre élément qui est important, qu'il faut garder en tête sur ces sujets-là, c'est que, au-delà du fait que les entreprises se rendent de plus en plus compte que leur richesse vient de là, l'aval, les clients, les consommateurs sont eux aussi de plus en plus exigeants. Les consommateurs exigent de la transparence. Alors nous, chez Advigny, on vend beaucoup plutôt en B2B, donc plutôt du coup à des clients qui sont eux-mêmes des acteurs de la grande distribution, des acteurs, des cavistes, des restaurateurs. On vend beaucoup à l'export. Chez nous, c'est à peu près 53% des ventes maintenant. À l'export, on a des zones dans lesquelles on a des monopoles d'État dans le vin. Mmh. Je pense à la SAQ, à la CBO au Canada. Mmh. Je pense aux pays scandinaves, qui sont en plus des marchés assez matures sur les sujets RSE. Et donc là, on commence à avoir, si vous n'avez pas de politique RSE formalisée, si vous ne suivez pas vos indicateurs, vous n'accédez plus au marché. Fin de l'histoire. Donc au-delà du fait que c'est de véritables outils pour faire un pas de côté et comprendre un peu mieux ce qui joue sur la pérennité de notre business, au-delà de toute la dimension marque employeur, donner du sens aux collaborateurs, leur donner envie de se lever le matin, leur donner envie de rester dans la boîte, il va y avoir un enjeu sur la pérennité même de notre façon de faire du business, parce qu'actuellement, si on a une bouteille qui fait plus de 420 grammes sur des vins à moins de $25 au Canada, on ne peut juste plus accéder au marché. Si Dionysos était une femme, retrouvez l'intégralité de l'épisode avec mon invité, expert dans son domaine, et dans lequel nous avons abordé de multiples autres sujets aussi passionnants. N'oubliez pas de mettre des étoiles, de liker, de partager ces épisodes à votre entourage. Merci pour votre soutien et vos commentaires. À très vite pour de nouvelles écoutes.